Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 26 avril 2017. Voici tout de suite les grands titres de cette édition. Le 26 avril est une date de triste mémoire dans l'histoire récente du Burundi parce qu'elle coïncide au début, il y a 2 ans, des manifestations contre la candidature du président Nkurunziza à la présidentielle de 2015 avec la crise qui s'en est suivie. Rappel des faits et focus sur Mutakura, un des quartiers contestataires. Le sénateur Sylvestre Ntibantunganya trouve très regrettable qu'une aide humanitaire ne parvienne pas à ses bénéficiaires. Allusion faite ici aux vivres en provenance du Rwanda n'ayant pas pu franchir la frontière et qui étaient destinés aux réfugiés congolais établis au Burundi et à des Burundais sous menace de famine. Il estime urgent que les relations diplomatiques entre ces deux pays soient renormalisées. La commission permanente en charge de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale affirme que la pénurie de sucre qui s'observe dans le pays et le fait des commerçants spéculateurs qui le vendent plus cher que le prix officiel, ajoutant que ce produit serait même exporté dans la clandestinité. Reportage à suivre. Et le Burundi ne devance que 19 pays sur les 180 ayant fait objet d'une enquête de la part de Reporters sans frontières. Dans son rapport de 2017, cette organisation estime que la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde. On fait le point dans cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de vous le dire, cela fait déjà 2 ans, déjà, que les manifestations contre la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle de 2015 commençaient. S'en est suivi de la violence qui a fait des morts et poussé des politiciens et des milliers d'autres Burundais à fuir le pays. Joseph Sabiyabandi nous rappelle les faits. C'était dimanche, le 26 avril 2015, que les manifestations contre la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle de 2015 ont débuté. Aussitôt commencé, aussitôt la première victime est tombée. Nepomucene Komeza Mahoro, un jeune de 14 ans habitant du quartier Chibitoke, a été tué. La suite était l'embrasement des quartiers dits contestataires. Les manifestations qui étaient supposées pacifiques ont viré dans la violence. Pendant des semaines, il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants et des dégâts collatéraux ont été enregistrés. Ces manifestations ont débouché sur un coup d'état manqué du 13 mai 2015. Un point du non-retour était atteint. Ce qui a suivi, ce sont des morts, la destruction de 5 médias indépendants, la suspension des associations de la société civile, l'exil des politiciens et des leaders de la société civile, ainsi que des centaines de milliers de civils qui ont fui le pays suite à la violence qui s'était intensifiée. Aujourd'hui, le HCR parle de plus de 400 000 réfugiés burundais qui sont éparpillés dans les pays limitrophes, alors que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, parle de 720 personnes tuées depuis le début de la crise. La Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, dénonce de son côté plus de 2000 morts. Parmi ces morts figurent des civils, des politiciens, des agents et des hauts gradés de la police et de l'armée. Les Burundais ont gardé la mémoire de l'attaque de juin 2015 à Kabarore en province de Kayanza, où selon les chiffres officiels, 31 combattants ont été tués et 170 capturés. On se souvient également la nuit sanglante du 11 au 12 décembre 2015, durant laquelle près de 100 personnes ont été tuées dans la capitale Bujumbura suite à une attaque qui a été menée contre 3 camps militaires de la capitale et un camp de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, depuis un certain temps, on constate une sorte d'accalmie dans le pays, mais des morts isolées sont toujours signalées. Merci Joseph. Et le porte-parole du président indique que les 2 ans qui viennent de s'écouler ont laissé pas mal d'expérience pour le pays. Jean-Claude Karegwa salue le fait que le pays a pu tenir malgré divers complots. Suivez-le. 2 ans viennent de s'écouler depuis la mise à nu d'un complot multidimensionnel contre le Burundi, parce qu'il faut dire qu'il s'agissait d'un complot multidimensionnel où les intervenants étaient tant bien de l'intérieur du pays que de l'extérieur du pays. Il s'agit donc d'un complot multidimensionnel contre le Burundi. Tout a été tenté contre le Burundi. Plusieurs pièges ont été tendus à travers des paroles, des écrits et des actions diffamatoires. Mais fort heureusement, la main de Dieu est restée au-dessus du Burundi. Les Burundais ont appris des leçons. Ils ont compris qu'ils peuvent survivre avec ou sans des pseudo-aides de la soi-disant communauté internationale, parce qu'une communauté internationale qui exclut le Burundi et qui est membre à part entière de la communauté internationale n'en est pas une. Donc le Burundi constitue aujourd'hui un cas d'école sur la résistance et la résilience, sur l'optimisation et la maximisation des opportunités, mais aussi sur la mise en place d'une dynamique dotée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le Burundi a été combattu, le Burundi a été provoqué, il a été des fois battu, maltraité, mais il n'a jamais cédé à la provocation, il n'a jamais été abattu comme les ennemis du pays le voulaient. Et c'est cette philosophie, c'est cette approche qui a fait que certains pays aujourd'hui commencent à revenir à la raison, à comprendre que la syrianisation et la libyanisation du Burundi ou autres entreprises machiavéliques sont des voies sans issue. Et le Burundi se félicite aujourd'hui que les filles et fils du Burundi qui ont fui le pays suite aux rumeurs, suite à ce qui s'est passé en 2015, commencent à revenir à la raison, à regagner leur patrie. Et les Burundais aujourd'hui regardent vers l'horizon 2020 pour préparer les élections générales de l'an 2020. C'était le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa. Je vous l'avais dit en titre, le quartier Mutakura de la zone urbaine de Cibitoke est l'un des quartiers qui ont manifesté contre notre mandat du président Pierre Nkurunziza. 2 ans après le début de ces manifestations, certaines maisons restent inoccupées et ceux qui avaient fui vers d'autres quartiers sont revenus petit à petit. Mireille Kanyangé s'est rendue à Mutakura pour nous. Voici son reportage. Le quartier Mutakura de la zone urbaine de Cibitoke est l'un des quartiers qui ont manifesté contre un autre mandat du président Pierre Nkurunziza. C'était le 26 avril 2015. Certains ont fui vers d'autres quartiers où il y avait un peu plus de tranquillité. D'autres encore ont fui vers les pays voisins. Aujourd'hui, la circulation est normale. Les concertinas des policiers qu'il y avait un peu partout ont été enlevés. Ce mercredi, comme nous l'avons constaté, la plupart des maisons sont occupées. Toutefois, comme certains qui n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro de peur des conséquences fâcheuses nous l'ont confié, de nouveaux locataires occupent les maisons de ceux qui ont fui. Patrick Ndikumana est l'un des habitants de Mutakura. Il avait fui lors des manifestations, mais il a regagné son domicile. Je suis revenu aujourd'hui même. J'ai vu que le stade est excellé pour louer la maison de 400 000. C'est beaucoup. Et puis, je dis que ses enfants. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir chez moi à Mutakura. La sécurité est aujourd'hui bonne dans ce quartier, nous a-t-il indiqué. Cependant, il y en a qui ne sont pas encore revenus. Le stade d'aujourd'hui, c'est très bon. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore venu. Mais ce n'est pas la propriété des passeurs, c'est le propriété des passeurs à déjà venir. Mais l'autre qui n'est pas venu, mais jusqu'à présent, la sécurité est bonne. Et les boutiques sont ouvertes, le cabal s'est ouvert jusqu'à 22h. Même 23h, on descend, on promène comme ils font sans problème. Les manifestations contre son mandat se sont surtout déroulées dans les quartiers et zones de Cibitoke, Ngagara, Djabe, Nyakabiga et Musaga. Mireille Kanyange, il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro. Le sénateur Sylvestre Niwantunganya dit être déçu par le fait que l'aide humanitaire constituée de vivres qui était destinée aux réfugiés congolais et aux Burundais sous menace de famine n'a pas franchi la frontière rwando-burundaise et soit retournée au Rwanda, pays d'origine. Cet ancien chef d'État se demande si le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, avait consulté le Burundi avant d'acheter ses vivres au Rwanda. Je comprends donc que le PAM ait pris l'initiative de chercher des aliments ici ou là. Dans le cas d'espèce, vous parlez du Rwanda, pour venir en aide aux populations congolaises réfugiées au Burundi, mais également aux populations burundaises qui souffrent de la faim ou de la famine. En cela, je crois que le PAM s'inscrit dans la mission qui lui est tracée traditionnellement. En deuxième lieu, évidemment, le PAM est une organisation internationale qui connaît certainement l'organisation et le fonctionnement des relations entre États et ou des relations entre États et organisations internationales, à l'instar du PAM lui-même. J'aurais souhaité, à mon avis, qu'avant le PAM et le gouvernement burundais discutent de cette initiative que le PAM, initiative heureuse, il faut dire, que le PAM avait prise. Mais visiblement, cela n'a pas été fait. Et si cela a été fait, évidemment, le problème se poserait autrement. Donc, si ça n'a pas été fait, il faudrait des redressements. En tout état de cause, ces populations, que ce soit les populations congolaises réfugiées au Burundi, que ce soit les populations burundaises qui ont besoin d'assistance alimentaire, doivent absolument être secourues. Il est du devoir humanitaire, il est du devoir même en matière de droits de l'homme. J'espère donc que les partenaires en cette matière pourront trouver très rapidement des points d'entente pour pouvoir satisfaire ces besoins de ces populations. L'ancien président et sénateur Sylvestre Ntibantunganya indique que ce qui s'est passé vient prouver à suffisance que les relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda s'empirent davantage. Situation qui devrait être analysée dans les meilleurs délais pour mettre fin à cette crise, ajoute ce représentant du peuple. J'aime dire ces derniers jours que des fois, nous les Burundais, nous oublions même ce qui nous fait, ce qui nous distingue des autres, notre culture, nos racines, nos traditions. Dans la culture burundaise, il y a ce que nous appelons imigani, les proverbes. Et il y en a un qui dit « Nazivana, Dizakutana Mahembe » et que même entre voisins, il peut y avoir une autre fois des différents. Mais ce qui fait la grandeur des hommes, c'est savoir mettre fin aux différends. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y ait des relations tendues entre le Burundi et le Rwanda dans l'histoire de ces deux pays, de cette région. Mais chaque fois, il y a eu toujours des efforts des uns et des autres pour pouvoir surmonter les crises. Je pense donc que même aujourd'hui, les responsables du Burundi, du Rwanda, mais aussi des initiatives diplomatiques au niveau de la région des Grands Lacs, au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, pourront s'inscrire dans une dynamique diplomatique et destinée à trouver une solution rapide pour l'amélioration des relations entre ces deux pays, en mettant en avant la vérité sur ce qu'il y a pour que toutes les équivoques soient levées et pour améliorer les relations entre les deux pays. L'ancien président et sénateur Sylvestre Ntibantunganya. Le Burundi a perdu 3 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières pour l'édition 2017. Il devance 19 pays sur les 180 enquêtés. Reporters sans frontières estime aussi que jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde. On fait le point avec Léonce Vitalio. Entre la Norvège, pays considéré comme modèle en matière de liberté de la presse, et la Corée du Nord, le tout dernier du classement, le Burundi se retrouve 160e aujourd'hui, à en croire du moins le rapport de l'ONG Reporters sans frontières, édition 2017. Il vient juste avant l'Égypte, 161e, et derrière le Rwanda voisin, 159e. Au niveau de la communauté est-africaine, le pays occupe la dernière position. Le Soudan du Sud est 145e, une place qu'occupait le Burundi il y a 2 ans. L'Ouganda est 112e, le Kenya 95e et la Tanzanie 83e. Au-delà de l'EAC, la République démocratique du Congo, un autre pays frontalier avec le Burundi, occupe la 154e place pour le classement de RSF. La liberté de la presse connaît une situation difficile ou très grave dans 72 pays sur 180 recensés, dont la Chine, la Russie, l'Inde, ainsi que les 2/3 des pays d'Afrique, selon le rapport de Reporters sans frontières. Le classement 2017 de cette organisation est établi en tenant compte des violations commises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2016. Merci Léonce Vitalio. C'est le soulagement dans les familles des 4 personnes, dont un prêtre de la paroisse Gatumba, qui avait été enlevé à la suite d'une attaque d'un bus qui faisait la liaison Bujumbura-Gatumba la soirée du 9 au 10 avril en cours. Ils ont été retrouvés, comme le précise le porte-parole de la police sur son compte Twitter. Selon les informations en provenance de leur famille, les 4 personnes sont réapparues affaiblies. Elles ont été toutes acheminées au camp militaire de Gatumba dans l'avant-midi de ce mercredi avant de les remettre dans leur famille. Et 5 personnes ont été blessées par une grenade lancée dans une voiture à bord de laquelle elle se déplaçait au quartier EA de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura. C'était vers 19h30 de ce mercredi, le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, précise que ceux qui ont lancé cette grenade étaient à bord d'une moto. Le propriétaire de cette voiture a été grièvement blessé, tandis que les 4 ont été légèrement blessés. On parle maintenant du paludisme. Les cas du paludisme ont sensiblement diminué dans la province de Bubanza suite aux multiples sensibilisations appelant la population à dégager les brosses et les flaques d'eau autour de leur maison. Mais les habitants de cette province demandent à l'État de distribuer des moustiquaires imprégnés. Espèce Caritas Cabagnana. Au centre de santé de Bubanza 2, par exemple, qui recevait plus de 400 cas de paludisme les mois passés, on a accueilli la semaine passée 276 malades. Au centre de santé de Moussidati, où le chiffre dépassait 700 malades auparavant, la semaine dernière, c'était 438 cas selon les rapports disponibles au district sanitaire de Bubanza. Les responsables sanitaires précisent que c'est grâce aux sensibilisations envers les habitants de cette province qui doivent alors éviter les brousses et les flaques d'eau ou l'eau gérémotique autour de leur maison. Aussi, la période de disette au mois de décembre, janvier, février a aussi été un facteur favorisant aux différentes maladies, surtout le paludisme, selon la même source. Et actuellement, on a commencé à récolter pour la saison culturelle B et les maladies diminuent, selon la même source. Cependant, la population de cette province demande qu'il y ait une campagne de distribution des moustiquaires afin de pouvoir éviter cette maladie. Au district sanitaire de Bouvanza, on indique qu'actuellement, seules les femmes enceintes et les enfants en âge de vaccination bénéficient des moustiquaires et que toute la population va en bénéficier au mois de juillet cette année, que la campagne de distribution est donc en cours de planification. A préciser que la dernière campagne de distribution des moustiquaires date de 2014. Isanganiro, la radio de l'avenir. La pénurie de sucre sur le marché est en partie expliquée par la spéculation des commerçants qui le cachent afin de le vendre à des prix exorbitants. Et cela ressort du rapport de la commission permanente chargée de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale. Selon Bénigne Rourahinda, présidente de la dite commission, ce produit serait même vendu frauduleusement dans les pays limitrophes. C'est un reportage de Charles Makoto. Le sucre est souvent caché par les commerçants, dit Bénigne Rourahinda, président de la commission chargée de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale. Pour le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, si le sucre est frauduleusement vendu à l'extérieur du pays, ce n'est pas l'affaire d'un simple commerçant. De son côté, l'honorable Godeberte Atungimana, elle fait savoir que la Sosumo n'a aucun problème de stock de ce produit. D'après elle, la solution viendrait dans la gestion de la commercialisation du sucre par l'entreprise de production. Si les inquiétudes et les contributions des députés, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Perat Nyonhuru, dit avoir pris bonne note. Vous saurez que les députés ont recommandé à la ministre du Commerce la conception des listes de distributeurs et vendeurs de ce produit à la Sosumo et au ministre ayant le commerce dans ses attributions. Merci Charles. Et pour terminer ce journal, le gouvernement du Japon a octroyé aux trois agences des Nations Unies, le PNUD, l'UNICEF et le PAM, un financement de plus de 2 millions de dollars qui seront utilisés dans l'emploi des jeunes et la cohésion sociale, l'eau et l'assainissement et la malnutrition dans certaines localités du pays. Le Japon a voulu passer par ces organismes qui sont professionnels dans ces domaines. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le 26 avril est une date de triste mémoire dans l'histoire récente du Burundi parce qu'elle coïncide au début, il y a 2 ans, des manifestations contre la candidature du président Nkurunziza à la présidentielle de 2015 avec la crise qui s'en est suivie. Et le sénateur Sylvestre Ntibantunganya trouve très regrettable qu'une aide humanitaire ne parvienne pas à ses bénéficiaires. Allusion faite ici aux vivres en provenance du Rwanda n'ayant pas pu franchir la frontière et qui était destinée aux réfugiés congolais établis au Burundi et à des Burundais sous menace de famine. Il estime urgent que les relations diplomatiques tendues entre ces deux pays soient renormalisées. Et la commission permanente en charge de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale affirme que la pénurie de sucre qui s'observe dans le pays est le fait des commerçants spéculateurs qui le vendent plus cher que le prix officiel, ajoutant que ce produit serait même exporté dans la clandestinité. Et le Burundi ne dévance que 19 pays sur les 180 et en fait l'objet d'une enquête de la part de Reporters sans frontières. Dans son rapport de 2017, cette organisation estime que la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde. Fin de ce journal à 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.